chanson, mes accords et paroles. Je me suis vautré sur le canapé, j'ai plongé dans un somme, un rêve me propulsant sur cette muet sans clé de sol, à la risée de l'arsène des dièses et bémols. À chacun de mes solos sans voix, suivait-elle métronome, bruit de sifflets écolibés, bon qu'à bruit de casserole, la foule en liesse me singeait, en faisait mille tonnes, piquait au jeu et me mimait, mes femmes tubes à faune. Dans le fond, tout ça, ça n'est pas pire que de singer en anglais. Non, non, tout ça, ça n'est pas pire que de piquer à l'idée. Sing, sing, oh yeah, yeah, singer en anglais. Speak, speak, oh yeah, yeah, piquer à l'idée. Mon show épique achevé, je m'enfuis par derrière. Déjà les fans et les badauds me forment une barrière. Zombies accro aux autographes, tels des fumeurs au taf. Bip, bip, je signe, bip, je me casse, à d'enfuis, je m'arrache. Croyant sauver dans ce troquet, je commande un café noir. Le pilier qui tient le comptoir me vomit sa mémoire. Une gerbe, je t'ai vu à la télé, est-ce que c'était énorme? Gigantissime, moi j'ai kiffé, refais-me-le encore. Refais-me-le encore, refais-me-le encore, refais-me-le encore. Dans le fond, tout ça, ça n'est pas pire que de singer en anglais. Non, non, tout ça, ça n'est pas pire que de piquer à l'idée. Sing, sing, oh yeah, yeah, yeah, singer en anglais. Speak, speak, oh yeah, yeah, yeah, speaker à l'idée. Que speaker à l'idée, que speaker à l'idée, que speaker à l'idée. Ce cauchemar s'est répété tout au long de ma sieste. N'avais nul endroit où me poser sans que l'on ne m'agresse. Je devais chanter, chanter à blanc, pas un mot qu'on retienne. Le monde entier ravi, content, raqué pour que je revienne. Me consoler sur mes billets dans ma piscine en or. Quand mon iPhone a réveillé, belle en ta 4G. Il faut te secouer, on t'attend dans l'arène. Mon forfait est bloqué, je ne veux pas raccrocher. Dans le fond, tout ça, ça n'est pas pire que de singer en anglais. Non, non, tout ça, ça n'est pas pire que de piquer à l'idée. Maintenant, ranimé, je dois me cogner la reine. Mieux vaut me la secouer sur mon vieux canapé. Sur mon vieux canapé. Sur mon vieux canapé. Sur mon vieux canapé. Sur mon canapé, sur mon canapé, sur mon canapé.